Chapitre 3. Il se rendait compte qu'il était dans un établissement d'aliénés. Il se rendait même compte qu'il était malade. Quelquefois, comme pendant la première nuit, il s'éveillait au milieu du calme et du silence, après une journée très agitée, le corps brisé et un poids singulier dans la tête, mais en possession de toute sa raison. Venait le jour. Avec le retour de la lumière et le réveil de la vie dans l'hôpital, des sensations trop fortes pour son cerveau l'assaillaient de nouveau. Et il redevenait fou. Ses idées offraient un mélange bizarre de jugement sain et d'absurdité. Il comprenait que tous les gens qui l'entouraient étaient des aliénés, mais en même temps, il reconnaissait dans chacun d'eux un personnage qu'il avait connu, soit personnellement, soit par ouï-dire, soit par les livres, et qui se cachait. L'hôpital était peuplé pour lui de gens de tous les temps et de tous les pays, rassemblés là pour exécuter une entreprise gigantesque dont il serait le chef, qu'il n'entrevoyait que confusément, et qui aurait pour résultat la destruction du mal dans le monde. Il ne savait pas en quoi consisterait cette entreprise, mais il se sentait la force de l'accomplir. Le beau temps était venu. Les fous tranquilles se promenaient toute la journée dans le jardin. La partie qui leur était affectée n'était pas grande, mais bien garnie d'arbres et de fleurs de toutes les espèces. La première fois que le nouveau venu sortit au jardin, il s'arrêta sur les marches du perron pour considérer les pavots rouges qu'il avait tant frappés le lendemain de son entrée à l'hôpital, tandis qu'il regardait par la porte vitrée. Il n'y en avait qu'une touffe, portant seulement deux fleurs épanouies et semées par le hasard dans un endroit qu'on avait négligé de sarcler, en sorte qu'elle était entourée de mauvaises herbes. Les fous sortaient un à un. À la porte se tenait un gardien, qu'il leur remettait au passage des bonnets de coton blanc ornés de croix rouges, épaves de la dernière guerre achetées aux enchères. Le nouvel arrivant ne manqua pas d'attribuer à cette croix rouge un sens mystérieux. Il ôta son bonnet de coton et regarda alternativement la croix et les fleurs de pavot. Celles-ci étaient d'un rouge plus éclatant. « Il l'emporte, » dit l'homme, « mais nous verrons bien. » Il descendit le perron, regarda autour de lui, et n'ayant pas aperçu le gardien qui se trouvait juste derrière lui, il mit le pied dans la plate-bande et allongea la main vers une des fleurs, mais sans se décider à l'accueillir. Il sentait de la chaleur et des lancinements dans le bras étendu. Bientôt il en sentit dans tout le corps. C'était comme si un fluide puissant sortait des pétales du pavot et traversait tout son corps. Il s'approcha encore plus près et avança la main jusqu'à la fleur. Mais il lui sembla que celle-ci se défendait en exhalant une haleine vénéneuse et mortelle. La tête lui tourna. Il fit un effort désespéré et il avait déjà saisi la tige lorsqu'une main s'abattit pesamment sur son épaule. C'était la main du gardien. Il est défendu de cueillir les fleurs et de marcher dans les plates-bandes. Vous êtes beaucoup de fous ici. Si chacun cueillait une fleur, on emporterait tout le jardin. Le gardien avait parlé d'un ton d'autorité, en le tenant toujours par l'épaule. Le fou le regarda en face, se dégagea sans rien dire et prit un sentier. « Oh, les malheureux !» pensait-il. « Vous êtes aveuglés au point de le protéger. Mais j'en finirai avec lui, à tout prix. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si je meurs, qu'est-ce que cela fait ?» Il se promena dehors jusqu'au soir, occupé à faire connaissance avec les autres pensionnaires, et soutenant des conversations étranges. Il allait tantôt à l'un, tantôt à l'autre, et à la fin du jour, il était tout à fait convaincu que, selon son expression, tout était prêt. Le moment était proche où les grilles de fer s'écrouleraient et où tous ces exilés enfermés avec lui se répandraient rapidement aux quatre coins de la terre. Alors le monde frémirait. Il jetterait loin de lui son vêtement caduc et il apparaîtrait dans une beauté nouvelle et merveilleuse. Le fou avait presque oublié les fleurs rouges. En gravissant le perron pour rentrer, il les aperçut de nouveau, se détachant comme deux charbons ardents sur l'herbe sombre et déjà humide de rosée. Alors il s'arrangea pour rester en arrière, guetta un moment favorable, enjamba la plate-bande, arracha l'une des fleurs et la cacha précipitamment dans sa poitrine, sous sa chemise. Personne ne l'avait vu. Quand les pétales frais et mouillés touchèrent sa peau, il devint pâle comme un mort, et ses yeux se dilatèrent d'effroi. Une sueur froide coulait sur son front. Dans l'hôpital, on avait allumé les lampes. La plupart des fous s'étaient étendus sur leur lit en attendant le souper. Quelques agiles parcouraient seuls à grands pas les corridors et les salles. L'homme à la fleur était parmi eux. Il marchait en pressant convulsivement ses bras sur sa poitrine, comme pour écraser la fleur cachée sous sa chemise. Quand il rencontrait les autres pensionnaires, il faisait un grand détour, de peur d'effleurer leurs vêtements. « N'approchez pas !» criait-il. « N'approchez pas !» Dans une maison d'aliénés, on ne fait pas grande attention à des exclamations de ce genre. L'homme marchait de plus en plus vite. Il marcha une heure, deux heures, avec une sorte d'exaspération. « Je t'étoufferai !» murmurait-il d'une voix sourde et rageuse. Et de temps à autre, il grinçait des dents. On servit le souper. De grandes terrines en bois peint et doré, contenant de la soupe de gruau, furent posées de loin en loin sur les longues tables sans nappe. Les fous prirent place sur des bancs, reçurent chacun une tranche de pain noir et se mirent à manger dans les terrines avec des cuillères de bois. Ils étaient 8 par gamelle. Quelques-uns d'entre eux, auxquels on donnait une nourriture plus substantielle, étaient servis à part. L'homme à la fleur avait été reconduit dans sa chambre par un gardien. On lui apporta sa ration de gruau. Il l'engloutit en un clin d'œil et rentra au réfectoire. « Permettez-moi de m'asseoir ici, » dit-il au surveillant. « Est-ce que vous n'avez pas soupé ?» demanda le surveillant en versant un supplément de gruau dans une terrine. « J'ai très faim et j'ai besoin de prendre des forces. Je ne me soutiens que par la nourriture. Vous savez que je ne dors pas du tout. » « Mangez, mon ami. Taras, donne-lui une cuillère et du pain. » Il s'assit auprès d'une des gamelles et avala encore une quantité énorme de soupe. Tous les autres avaient fini, qu'il continuait de manger sans s'arrêter, mais d'une seule main. L'autre main restait pressée sur sa poitrine. « Assez, assez !» dit enfin le surveillant. « Vous allez vous faire mal. »« Si vous saviez combien de force j'ai besoin !» Il s'éleva de table et serra vigoureusement la main du surveillant. « Adieu, Nikola Nikolaïtch !»« Où allez-vous » demanda le surveillant en souriant. « Moi, nulle part, je reste ici. Mais il est possible que demain, nous ne nous revoyons pas. Merci pour toute votre bonté. » Il serra de nouveau la main du surveillant. Sa voix tremblait et ses yeux se remplissaient de larmes. « Calmez-vous, mon ami, calmez-vous » dit le surveillant. « Pourquoi ces idées noires ? « Allez vous coucher et dormez bien. En dormant bien, vous serez tout de suite guéri. » Le fou sanglotait. Le surveillant le quitta pour faire enlever les restes du souper. Et une demi-heure après, tout dormait dans l'hôpital, excepté un seul homme couché tout habillé sur son lit. Cet homme tremblait comme dans un accès de fièvre et tenait à deux mains sa poitrine qui se figurait tout imbibée d'un poison inconnu et mortel.